Eh oui, cette bourrique, il est déjà tout froid. Comment est-il venu ici? Ben ça, je sais pas. Je sais pas. Ah, si, je sais. Il a voulu manger Pile et Cotis et moi, je l'ai tué. D'un coup de paternoster. Pile, Cotis, paternoster? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est fou, ma finance. Mais c'est très exact ce que je dis. Et toi, t'es idiote, Magiborne. Raconte-moi ta campagne, Père Ubu. Non, dame, non, c'est trop long. Tout ce que je sais, c'est que malgré mon incontestable vaillance, tout le monde m'a battu. Comment? Même les Polonais? Ils criaient « Vive Venceslas, ces bougres-là !» Là, j'ai cru qu'on voulait m'écarteler. Ah, les enragés! Et puis, ils ont tué Renski. T'avais bien égal. Tu sais que Bougrela a tué le palota Giron? Ça m'est bien égal. Et puis, ils ont tué le pauvre Lassie. Ça m'est bien égal. Ah, mais tout de même, arrive ici, charogne. Mets-toi à genoux devant ton maître. Tu vas subir le dernier supplice. Il l'empoigne et la jette à genoux. Oh! Oh! Oh, monsieur Ubu! Après, as-tu fini? Moi, je commence. Torsion du nez, arrachement des cheveux, pénétration du petit bout de bois dans les oreilles, extraction de la cervelle par les talons, lacération du postérieur, suppression partielle ou même totale de la moelle épinière, si au moins ça pouvait lui ôter les épines du caractère, sans oublier l'ouverture de la vessie natatoire et finalement la grande décollation renouvelée de Saint-Jean-Baptiste, le tout tiré des très saintes écritures, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, mis en ordre, corrigé et perfectionné par l'ici présent maître des finances. Ça te va-t-il, andouille? Il la déchire. Grâce, monsieur Ubu! Grand bruit à l'entrée de la caverne.